L'homme peut oublier. Les choses importunes s'effacent dans l'éclat ondoyant des fortunes. Le passé, l'avenir, se voilent par moments. Les festins, les flambeaux, les feux, les diamants, l'illumination triomphale des fêtes peuvent éclipser l'ombre énorme des prophètes autour des grands bassins, au bord des claires eaux. Les enfants radieux peuvent, aux cris d'oiseaux, mêler le bruit confus de leurs lèvres fleuries. Et, dans le Luxembourg ou dans les Tuileries, devant les vieux héros de marbre aux poings crispés, danser, rire et chanter, les lauriers sont coupés. La courtille au front bas peut noyer dans les verres le souvenir des jours illustres et sévères. La valse peut ravir, éblouir, enivrer des femmes de satin, heureuses de livrer le plus de nudité possible aux yeux de flamme. L'hymen peut murmurer son chaste épithalame. Le bal masqué, lascif, paré, bruyant, charmant, peut allumer sa torche et bondir follement. Goule, au linceul joyeux, larve en fleur, spectre rose. Mais, quel que soit le temps, quelle que soit la cause, c'est toujours une nuit funeste au peuple entier que celle où, conduisant un peuple, un guichetier fouille au trousseau de clés qui pend à sa ceinture pour aller, sur le lit de fièvre et de torture, réveiller avant l'heure un pauvre homme endormi. Tandis que sur la grève, entrevues à demi, sous les coups de marteau qui font fuir la chouette, d'effrayants madriers dressent leur silhouette, rougis par la lanterne horrible du bourreau.